J'imagine que je dors, j'perds fort ton pare-brise, la portière, fort ton pare-balles. 11-11-43, 2007, les mecs tirent en laissant leur paluche sur le trottoir. Paris c'est trop hard, les frères prient pour que je crève sur le périph de la gloire. On n'a pas de froid cassé, à ce qui paraît j'pèse. Les MC veulent mon number, j't'achève. J'ai pas le temps, pas de sentiment. La rue t'élève, te nourrit, mais viens pas ton enterrement. Donc tu crèves seul en on s'en va écouter.